ندخل بسم الله الرحمن الرحيم ندخل الآن في سورة الصف سورة الصف في المسألة الخامسة وثمانين بعد المئة سقط وسكين مسألة في قوله تعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين Alors, le sens où Allah dit que Allah ne guide pas le peuple de pervers. Verset 5. Awalan, il faut savoir c'est quoi le fisq. El fisq wa el khuruj an ta'atillah. C'est le fait de sortir de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Et ce fisq peut être de différentes catégories. Il peut être akbar, ce qui est le cas des mécréants, et peut être asra, ce qui est le cas des muslimouns désobéissants. Le fisq, on peut vouloir par cela de la mécréance, et on peut vouloir par cela de la désobéissance majeure en islam, c'est-à-dire grande désobéissance parmi les grands péchés. Naam. Faqala al-mu'allifu rahimahu ta'ala. Hadhihi al-ayatu al-karimatu tadullu bi dhahriha ala anna al-kharij an ta'ati Allahi la yahdihi Allah. Que ce noble verset nous démontre dans son apparent que celui qui sort de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, Allah ne le guide pas. Qala وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف Les deux versets sont venus à l'opposé de cela, dans le sens où Allah dit à ceux qui ont mécru que si jamais ils arrêtent, il leur sera pardonné ce qui a précédé comme mécréance, comme acte qu'ils ont fait auparavant, d'abord l'islam. Al-Anfal, le butin, verset 38. وقوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. Le sens où Allah dit, et c'est comme ça que vous étiez auparavant et que Allah par la suite vous a gratifié, c'est-à-dire par la guider l'islam. An-Nisa, les femmes, verset 94. Donc là, ces versets nous démontrent que des gens étaient dans le fisq et que par la suite Allah les a guidés. قال والجواب أن الآية من العام المخصوص فهي في خصوص الأشقياء الذين أزاغ الله قلوبهم عن الهدى لشقاوتهم الأزلية. Donc la réponse, tout simplement, que le verset concerne, même si son terme est général, il concerne tout simplement ceux qui sont parmi les Ashqiyah, c'est-à-dire ceux qui sont damnés et qui seront amenés à être parmi les gens du feu éternellement. Ceux dont Allah Azza wa Jalla a fait dévier les cœurs, de la guider, et qui seront parmi les gens du feu éternellement, comme nous l'avons dit. Ce verset-là concerne ces personnes-là. Tout simplement, et non pas tout fasiq, tout pervers. وَقِيلَ الْمَعْنَى لَا يَهْدِهِمْ مَادَمُ وَلَا فِسْقِهِمْ فَإِنْ تَابُ مِنْهُ أَهْدَاهُمُ اللَّهُ Et il a été dit également que le sens, c'est que Allah ne les guidera pas tant qu'ils resteront sur leur perversion. Que si jamais ils se repentent, par la suite, Allah les guidera. C'est aussi une explication qui a été donnée. وَالْعِمُنْ عَنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ